Section 22 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 22. Les confidences. Vers la fin de cette même journée, le baron et Léonce, avec les chasseurs et les montagnards de leur suite, revenaient, épuisés de fatigue, à la ferme de la Motte Rouge. Leurs actives et périlleuses recherches avaient été inutiles. On avait en vain fouillé, en courant les plus grands risques, les cavités et les buissons au pied de la cascade. Les corps de Fargeot et du lycanthrope ne s'étaient pas retrouvés. Cependant, on ne doutait plus que ces deux malheureux n'eussent péri. Et en effet, plusieurs mois après ces événements, un pâtre découvrit dans le torrent, fort loin, au-dessous de la chute d'eau, deux squelettes hideux et comme broyés par le choc des rochers. Mais encore, si étroitement attachés l'un à l'autre, qu'on eut de la peine à les séparer. La nuit était proche. La neige tombait à flocons épais, sans être accompagnée toutefois de vent et de tempête. Cette circonstance rendait impossible l'exécution du projet que Léonce avait conçu de se remettre immédiatement à la poursuite du loup. La neige nouvelle devait recouvrir partout la trace. D'ailleurs, la nuit approchait, et le jeune homme, quelle que fût sa vigueur et son courage, ne s'était pas ménagé pendant cette journée si pleine d'événements. Aussi sa fatigue était-elle extrême, et il avait peine à gagner la ferme de la Motte Rouge, où il devait retrouver une partie de ses gens. Léonce et le baron marchaient côte à côte, un peu en arrière du gros de la troupe. Une politesse empressée, sinon cordiale, n'avait cessé de régner entre eux, malgré leur rivalité latente. Le neveu du prieur, par calcul et par caractère, ne voulait pas se laisser vaincre dans cet assaut de courtoisie. Et il prenait soin qu'aucune allusion au passé ne pût offenser le compagnon que la nécessité lui imposait. Cependant, peut-être en secret, était-il impatient de le quitter et de recouvrer sa liberté d'action. La Roche-Poisseau, après lui avoir adressé de longs compliments, toujours un peu ironiques, sur son énergie, sur son adresse, sur le zèle qu'il avait déployé à la recherche du garde et de Jeannot, était devenu soucieux. Léonce, à son tour, lui dit avec civilité « Vous paraissez chagrin, monsieur le baron. J'espère pourtant que l'état de votre ami n'a rien d'alarmant et qu'on va nous en donner à la métairie des nouvelles satisfaisantes. Mon ami, dit la Roche-Poisseau avec dédain, le gris n'est pas mon ami. C'est le fils d'un de mes hommes d'affaires. Et en cette qualité, j'ai bien voulu le pousser un peu dans le monde. Ses contusions ne présentent aucune gravité. Du repos et quelques tasses de vulnéraire le remettront sur pied. Mais je pensais, monsieur Léonce, que vous saviez combien il m'importait de retrouver sains et saufs ces deux pauvres diables qui semblent s'être évanouis en fumée. L'un d'eux, si je ne me trompe, après avoir été longtemps au service de mademoiselle de Barjac, avait passé au vôtre. Quant à l'autre, on en parle comme d'un maniaque dangereux. « En est-il ainsi, monsieur ? » demanda le baron en le regardant fixement. « Quoi ? Vous ignorez quel puissant intérêt je dois prendre ? Quel intérêt vous devez prendre vous-même au sort de ces deux hommes ? Moi, monsieur, encore une fois, je ne les connaissais pas, et l'humanité seule. Quand vous vous montriez si ardent tout à l'heure à rechercher ces malheureux qui pouvaient n'être que blessés, j'attribuais votre zèle à des sentiments d'une autre nature, par exemple au désir de voir enfin briller la vérité sur une affaire qui vous touche ainsi que moi, quoique à des titres différents. Sur mon âme, monsieur, je ne vous comprends pas. Il me semble pourtant impossible que vous, l'élève des pères de Frontenac et le neveu de leur prieur, vous n'ayez aucune connaissance du procès criminel que je soutiens contre l'abbaye et contre votre oncle personnellement, au sujet de la disparition du jeune vicomte de Varinas, mon parent. Or, l'ancien garde général de Mercoire et Jeannot étaient les seuls témoins que je pusse produire à l'appui des faits avancés par moi. Et leur mort va peut-être entraîner la ruine de mes prétentions. Cet événement est donc des plus heureux pour vos amis, monsieur Léonce, et vous pourrez les en féliciter. Le pauvre Léonce essayait en vain de s'expliquer ses demi-confidences, perfidement calculées peut-être, dans le but de le tourmenter. « Ce sont là, monsieur, reprit-il, de véritables énigmes pour moi. J'ai bien entendu parler des anciens droits de votre famille sur les domaines de Varinas, mais ces droits sont éteints depuis longtemps par des sentences de justice et l'on ne saurait les faire revivre aujourd'hui. » La Roche-Boisseau prit un air grave. « Vous pouvez avoir, dit-il, des motifs fort honorables pour feindre d'ignorer ce qui est maintenant de notoriété publique, et ces motifs, il ne m'appartient pas de les rechercher. Cependant, monsieur Léonce, vous avouerez bien que vous connaissez l'arrivée de monseigneur l'évêque d'Alep, commissaire royal, à l'abbaye de Frontenac, l'interdiction lancée sur tout le couvent, et enfin la reclusion forcée dans sa cellule d'une personne qui vous touche de près. » Cette fois, Léonce entrevit vaguement la terrible vérité. « Attendez, dit-il avec agitation, je me souviens en effet que le jour où je quittais l'abbaye, un supérieur ecclésiastique venait d'y arriver. Puis, la contenance morne des pères, l'inquiétude évidente de mon oncle, et surtout son empressement de me voir partir. « Oh, de grâce, monsieur le baron, poursuivit-il d'un ton suppliant, ne me cachez rien. Quels motifs ont pu décider l'évêque à traiter si rigoureusement les bons pères, et surtout mon oncle bien-aimé, car c'est de lui sans doute que vous avez voulu parler. » J'en ai peut-être déjà trop dit, répondit la Roche-Boisseau, en soupirant avec hypocrisie. Je ne voudrais pas vous affliger, monsieur Léonce, car vous êtes décidément un brave jeune homme, et je ne vous confonds pas, dans ma haine légitime, avec tous ces moines intrigants. Laissons donc ce sujet, je vous prie. Il ne pourrait être que pénible pour tous deux. Aussi bien, continua-t-il avec un chagrin réel cette fois, la mort de mes deux témoins va probablement changer la face des choses. L'accusation, n'étant pas suffisamment prouvée, tombera d'elle-même, et l'on m'accusera peut-être, à mon tour, d'imposture et de calomnie. Mordieu, nous verrons bien. Monsieur le baron, reprit Léonce avec une angoisse croissante, je ne suis ni votre juge, ni le juge de personne, mais je vous conjure de me mettre au courant des faits qui ont pu se passer à Frontenac depuis mon départ. Allons, j'eusse désiré que tout autre de préférence, à moi, vous eût donné ces détails, répliqua la Roche-Boisseau, d'un ton de répugnance parfaitement joué. Mais, si je vous offense, vous vous souviendrez que vous m'avez forcé à ces révélations. Apprenez donc que les moines de Frontenac sont accusés d'avoir assassiné ou fait assassiner mon jeune parent, le vicomte de Varinas, pour s'emparer de son riche héritage. Léonce fut terrifié de la gravité du cas. Cependant, il balbutia. « Une pareille accusation est si peu croyable, si absurde. Libre à vous de penser ainsi. Cependant, elle est appuyée sur des preuves nombreuses et sans doute elle n'a pas paru absurde à tout le monde, puisque le roi a jugé convenable d'envoyer un prélat éminent pour commencer une enquête à l'abbaye, puisque le commissaire royal, après information, a mis le couvent en interdit et condamné le prieur à une reclusion sévère. « Mon oncle, demanda Léonce d'une voix étouffée, est-il donc vraiment impliqué dans cette affaire ? Je voudrais inutilement vous le cacher, mon cher enfant. Le prieur de Frontenac est compromis de la manière la plus forte. Il paraît être le principal auteur de la mort du jeune vicomte de Varinas. Et comment en douter quand Jeannot, l'une des deux personnes qui viennent de périr, a rencontré le père Bonaventure, déguisé, près du château de Varinas, peu d'instants avant la fin tragique du pauvre petit enfant. Cela est faux, monsieur, cela est faux, certainement, s'écria Léonce en pâlissant, mais avec une extrême énergie. Le bon, le sage, le généreux prieur se rendre coupable d'un tel crime? Cela est insensé, vous dis-je. Votre haine contre tous les pères de Frontenac, et en particulier contre mon vénérable oncle, a dû vous aveugler complètement pour vous faire ajouter foi à ces infamies. Cette chaleureuse protestation ne pouvait manquer d'éveiller la colère de La Roche-Boisseau, mais il se contint et répliqua d'un ton d'indulgence. Je ne me fâcherai pas pour certains mots peu mesurés qui viennent de vous échapper, monsieur Léonce. Il est tout naturel que vous défendiez un proche parent qui vous a nourri et élevé. Fut-il coupable aux yeux du monde entier? Du reste, bientôt peut-être, allez-vous avoir beau jeu. Ainsi que je vous le disais, l'impuissance où je me trouve de produire deux témoins importants changera la face de l'affaire, et les pères, qui ne manquent ni d'habileté ni de crédit, se tireront de là blancs comme neige, bien que je ne me donne pas encore pour battu. Ces dernières paroles étaient prononcées d'un ton menaçant, car La Roche-Boisseau, tout en poursuivant sa cruelle pensée de torturer le neveu du prieur, ne pouvait s'empêcher de laisser voir quelques-unes de ses impressions véritables. Du reste, il n'avait que trop bien réussi dans son projet secret. Le malheureux Léonce était anéanti par ces atroces révélations. Néanmoins, il releva la tête tout à coup. « Monsieur le baron, reprit-il avec véhémence, je persiste à croire et à dire que cette accusation est fausse, mensongère, calomnieuse. Et quand la justice aura prononcé sur elle, j'espère à mon tour, en demandant compte au calomniateur. » Et il se mit à courir, comme un homme ivre, pour rejoindre le groupe qui les précédait, tandis que La Roche-Boisseau souriait d'un air de vengeance satisfaite. Cependant, on approchait de la métairie, dont les bâtiments apparaissaient de loin dans la brume du soir. Dès que les chasseurs furent en vue, un homme sortit de l'habitation et accourut au-devant d'eux. C'était Labrange, le domestique de confiance de La Roche-Boisseau. Il s'approcha de son maître et lui dit avec empressement « Des lettres viennent d'arriver pour vous, monsieur le baron. Elles ont été apportées par le valet d'écurie de madame Richard à Langogne. Ce pauvre garçon nous suit à la piste depuis 2 jours, et il a eu grand-peine à nous découvrir. Sachant combien vous êtes impatient d'avoir des nouvelles, je me suis empressé. Fort bien, Labranche, ton attention te vaudra un bon louis d'or, la première fois que je me trouverai en fond. Mais où sont donc ces lettres? Le messager veut vous les remettre en main propre. L'une vient de Florac, l'autre de Mercoeur. De Mercoeur? Répéta La Roche-Boisseau avec étonnement. Qui diable peut m'écrire de là? Quant à l'autre lettre, elle est sans doute de Le Gris Père, mon procureur, et elle doit contenir des choses importantes. Voyons cela bien vite. Il doubla le pas et se retrouva bientôt côte à côte avec Léonce, qui marchait, sombre et désolé, la tête baissée, aux yeux humides de larmes. Il l'aborda en affectant une vive sympathie pour ses chagrins. Le jeune homme se détourna par un brusque mouvement. « Vous m'en voulez, monsieur Léonce, reprit le baron d'un ton de reproche amical, et cependant, je ne vous ai pas donné à vos sujets de m'en vouloir. Écoutez, tout à l'heure, vous avez révoqué en doute certains faits que je vous ai rapportés. Et je tiens à vous prouver leur parfaite exactitude. On m'annonce que des lettres viennent d'arriver pour moi, de Florac et de Mercoire. Consentez à vous arrêter un moment à cette métairie, et je vous communiquerai la portion de ma correspondance qui peut avoir rapport aux événements dont il s'agit. Ou je me trompe fort, ou vous y trouverez la preuve que je n'ai rien avancé que de vrai. » Léonce ne manquait pas de motifs pour suspecter l'affection subite et la confiance absolue que lui témoignait La Roche-Boisseau. Cependant, il éprouvait un ardent désir de connaître les nouvelles qui venaient d'arriver. La lettre de Mercoire surtout excitait vivement sa curiosité, car elle devait sûrement parler de Christine de Barjac, dont il était séparé depuis longtemps. Aussi, après une courte hésitation, répondit-il d'une voix étouffée. « Soit, monsieur le baron, je recevrai les communications qu'il vous plaira de me faire. Et cependant, Dieu m'est témoin que je donnerai ma vie avec joie pour acquérir la certitude que vous m'avez trompé. » Ils atteignirent la métairie. Martin et les autres montagnards refusèrent d'entrer chez Ferréol, devenu leur ennemi. Ils préférèrent attendre Léonce devant la porte, exposé au froid du soir et les pieds dans la neige. Ferréol, de son côté, ne les invita pas à venir se reposer auprès de son foyer, et il jetait sur eux des regards sombres. Depuis qu'il connaissait le résultat tragique de son entreprise, au sujet de son parent Jeannot, il était comme tourmenté de remords secrets, mais trop fier pour reconnaître ses torts personnels et n'osant s'en prendre au baron, cause première de l'accident. Il gardait une rancune mortelle à Martin, son voisin et son égal. Cette affaire, aussitôt après le départ des étrangers, devait être l'origine d'une querelle longue et acharnée, où les coutelières et les fusils jouerait sans doute un rôle sanglant. La salle principale de la métairie était déjà éclairée, bien qu'une lueur crépusculaire vint encore du ciel. Devant le feu se chauffait le messager. Dans le grand lit, qui occupait un coin de la pièce, était couché le gris, empaqueté de linge et de compresses. La fermière et sa fille allaient et venaient autour du blessé. Une forte odeur médicinale annonçait que toutes les recettes de famille contre les contusions avaient déjà reçu leur emploi. La Roche-Boisseau marcha droit au messager qui, en le voyant, s'était empressé de se lever et qui lui remit ses dépêches. Il s'en saisit avidement et se disposait à les lire quand le gris, se soulevant sur le coude, lui demanda d'un ton lamentable « Ah, cher baron, « vous voilà donc, enfin. La bête du Gévaudan est-elle morte ?» Sans répondre, La Roche-Boisseau rompit l'enveloppe d'une de ses lettres. Tout à coup, il poussa un cri de joie. « Victoire !» dit-il en agitant le papier qu'il tenait à la main. « Je n'osais plus espérer un pareil résultat. Félicitez-moi tous. Je suis dès à présent comte et seigneur de Varinas. » Les assistants le regardaient avec étonnement. « Que dites-vous, baron ?» demanda le gris. « Si cela était, je vous connais, vous m'abandonneriez sans pitié. » La Roche-Boisseau se tourna vers Léonce. « Vous demandiez des preuves, dit-il. Vous ne pouviez mieux tomber. Venez avec moi. » Il prit un flambeau sur la table et entraîna le neveu du prieur dans une petite pièce voisine, où il devait être à l'abri d'une importune curiosité. « Lisez, monsieur, » dit-il avec une joie méchante, en présentant à Léonce la lettre ouverte. Cette lettre, datée de Florac, était du père Legris, qui, nous le savons, agissait comme fondé de pouvoir de La Roche-Boisseau. Elle était ainsi conçue. « Monsieur le baron, votre affaire marche à souhait. Il n'est plus nécessaire que vous donniez la chasse par mot et par vous à ce Jeannot Grandedent, dont le témoignage du reste ne nous eût pas servi à grand-chose, vu son état notoire de folie. Les affirmations de Fargeau lui-même ne nous sont plus indispensables, car le prieur, notre adversaire le plus dangereux, a tout avoué devant sa grandeur Monseigneur l'évêque d'Alep. Ce fait est capital, et je ne pourrais croire que ce rusé Bonaventure eût laissé échapper un pareil aveu si Monseigneur, que je viens de voir pour vos intérêts, ne m'en avait lui-même donné la certitude. Vous devinez facilement, sans doute, monsieur le baron, les conséquences de ce fait nouveau. L'évêque, convaincu de la culpabilité des moines de Frontenac, est tout disposé à vous restituer la terre de Varinas, aussitôt que j'aurai fourni les preuves que vous êtes le plus proche parent et l'héritier direct du feu comte et du petit vicomte. Je m'occupe de rechercher ces pièces qui doivent se trouver dans vos papiers de famille et je les produirai au plus tôt dans la forme légale. Cependant, votre présence ici nous serait bien nécessaire et si vous pouviez nous donner quelques jours, je ne doute pas que vos intérêts ne s'en trouvassent à merveille. En attendant, l'évêque commissaire royal est toujours violemment irrité contre les moines de Frontenac et il les mène à la verge de fer. Comme vous pouvez penser, on jase beaucoup dans le pays, mais on croit que pour l'honneur du clergé, on innocentera l'abbé et les pères. Tout le châtiment retombera sur le prieur, qui est en effet le plus coupable dans cette affaire, et il sera probablement enfermé sans bruit dans un de ces cachots souterrains dont les couvents sont toujours pourvus, etc., etc. Le reste de la lettre se composait de détails déjà connus du lecteur et de recommandations pour le gris-fils. Qu'on juge de la douleur de Léonce, aucun doute n'était plus possible. Le prieur avait avoué son crime et le prélat chargé de l'enquête était convaincu de sa culpabilité. Le pauvre enfant laissa échapper le fatal papier et se cacha le visage en sanglotant. Cependant, le baron avait ouvert la dépêche de Mercoire et l'avait parcourue avec rapidité. Sans doute, le contenu était d'une nature moins sérieuse, car la Roche-Boisseau paraissait éprouver une vive hilarité, quand le transport de douleur que Léonce n'avait pu contenir vint distraire son attention. « Allons, courage, mon ami, reprit-il doucereusement, être forcé de haïr, de mépriser un homme qui vous a élevé, qui vous a inspiré tant d'affection et de respect. Cela est cruel, j'en conviens. Cependant, ne vous désolez pas. Monseigneur d'Alep ne voudra pas pousser les choses trop loin. De mon côté, si je rentre bientôt en possession de mes biens de famille, je ne poursuivrai pas rigoureusement cette affaire. Elle est si ancienne déjà que je pourrai entendre raison pour beaucoup de points. Et s'il faut le dire, monsieur Léonce, l'affection que vous m'inspirez me disposera beaucoup à la clémence. » Ces consolations, à supposer qu'elles fussent sincères, produisirent sur Léonce un effet diamétralement opposé à celui que le baron semblait en attendre. « Et qu'importe le châtiment, reprit le neveu du prieur avec désespoir, c'est la faute seule qui m'occupe. « Mais plus j'y songe, poursuivit-il en s'animant, plus il me semble que ce crime odieux, révoltant, épouvantable, est tout à fait impossible. Les apparences mentent, les preuves sont fausses, tout le monde se trompe. Il y a là-dessous un malentendu, un mystère qui s'expliquera plus tard. J'en ai la ferme confiance. » Laissons ce sujet qui vous afflige, monsieur Léonce. Vous êtes libre de considérer comme des réalités les suppositions qui peuvent le plus vous être agréables. Pour vous distraire de ces idées, ne voulez-vous pas aussi jeter un coup d'œil sur cette lettre qui m'arrive de Mercoire? Elle est fort divertissante, je vous assure. De Mercoire? Répéta Léonce, qui avait oublié cette circonstance. Oui, lisez-la, elle ne contient rien de ce que vous attendez, peut-être, mais elle vous égaillera, je l'espère. Cette seconde dépêche était signée du chevalier de Magnac, et le style avait toute la roideur de ce grave personnage. « Monsieur le baron, écrivait l'écuyer d'honneur de Christine de Barjac, il m'est revenu que vous aviez pris récemment à votre service un ancien garde de la châtellenie de Mercoire, appelé Fargeau. Or, comme vous n'avez pas jugé à propos, dans cette affaire, de demander l'agrément et le congé de ma noble maîtresse, haute et puissante demoiselle Christine de Barjac, comtesse de Mercoire et autres lieux, je soutiens, moi, Antoine Léonard, chevalier de Magnac, écuyer d'honneur de la dite demoiselle, que vous n'avez pas agi en vrai gentilhomme. Si vous étiez d'un avis différent, monsieur le baron, je vous prierais de m'assigner le plus tôt possible un lieu de rendez-vous où je m'empresserais d'aller vous joindre avec un ami discret, et nous terminerions cette contestation comme il convient entre gens de qualité. Vous pourriez croire que le motif de cette querelle est un peu futile, et qu'en vous demandant la faveur d'un rendez-vous, j'ai souvenir de certains torts plus anciens et plus graves. Il n'en est rien, monsieur le baron. Dans votre trop court séjour au château de Mercoire, vous n'avez eu garde de manquer au devoir que vous imposez l'hospitalité. Et si de sottes gens osaient avancer le contraire, je pense que, comme moi, monsieur le baron, vous seriez tout prêt à leur imposer silence de la bonne façon. Dans l'espoir d'une prompte réponse, je suis monsieur le baron, etc. Antoine, chevalier de Magnac. Cette épître singulière, émaillée de nombreuses fautes d'orthographe, se terminait par un post-scriptum ainsi conçu. On m'assure que vous auriez été aidé dans ce détournement incivil d'un serviteur de Mercoire, par un sieur Legris, soi-disant votre ami. Comme il n'est pas besoin de prendre tant de ménagements avec une pareille espèce, je vous prie, monsieur le baron, de vouloir bien dire au sieur Legris que je le bastonnerai partout où je le trouverai. Après avoir lu cette lettre, Léonce demeurait pensif. « Que dites-vous du cartel de cet original ?» demanda La Roche-Boisseau, en riant aux éclats. « Vit-on jamais plus plaisante chose ? Le chevalier ne parle pas de Christine, » murmura Léonce distraitement. Mais aussitôt, honteux d'avoir exprimé tout haut sa pensée, il reprit avec effort. « Eh bien, monsieur, avez-vous l'intention de répondre à l'appel de monsieur de Magnac ?»« Moi, fis donc, me battre avec ce bouffon lugubre, avec cet imbécile redresseur de tort ?» Je serais aussi ridicule que lui. D'ailleurs, j'ai bien d'autres affaires. Je vais partir demain matin pour Florac. Je me trouve ainsi forcé d'abandonner dans cette maison ce pauvre Legris en attendant qu'il soit bastonné par notre valeureux chevalier. Eh bien, et vous, monsieur Léonce, poursuivit-il, ne comptez-vous pas aussi vous rendre à Frontenac ? Nous pourrions voyager de compagnie. Malgré la bienveillance apparente du baron, Léonce venait enfin de s'apercevoir que depuis qu'ils se trouvaient ensemble, chaque minute lui avait apporté une nouvelle torture. Il se leva brusquement. « Je ne sais encore ce que je ferai, » dit-il d'un air égaré. « J'ai des raisons de penser que mon pauvre oncle, en m'éloignant avec tant de précipitation, voulait surtout me cacher sa profonde humiliation, et peut-être ma présence accroîtrait-elle ses peines. Merci donc de vos offres, monsieur le baron. Je ne les accepte pas. Nous devons maintenant nous séparer, et pour longtemps sans doute, car nos voix ne sauraient être les mêmes. » « Comme vous voudrez, » répliqua La Roche-Boisseau avec un sourire moqueur, en se levant à son tour. « Je vois, monsieur Léonce, que certaines récompenses promises à l'heureux chasseur qui tuera la bête du Gévaudan, vous occupe plus encore que le sort de votre oncle bien-aimé. Allez donc, et bon courage, mais n'espérez pas trop que nous ne nous rencontrions plus, malgré la différence de nos voix. J'imagine au contraire que vous me trouverez encore sur votre chemin. Adieu. » Ils échangèrent un salut, ironique d'une part, glacial de l'autre, et Léon se sortit. Peu de minutes après, on l'entendit s'éloigner de la métairie avec ses gens. Fin de la section 22, lue par Margot.